Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un nouvel humoriste belge dans cette série belge, Monsieur Benoît Delaby. Bonjour, salut Sofiane, salut. Salut Benoît, comment vas-tu? Bah ça roule, enfin ça roule, comme on peut en cette période compliquée. Hein. On en Très parle compliqué, justement. oui. Mais ouais, voilà, on va s'en sortir, tout va bien. Il faut être positif. Si on n'est Exactement. plus positif, alors il n'y a plus personne qui peut l'être. C'est vrai, c'est vrai. On doit garder le sourire pour pouvoir le rendre aux autres. C'est beau ce que tu dis. Je vais déposer la phrase. Oui, bah vas-y, fais-le, fais un t-shirt. C'est bon, ça va le faire. Bon, bien évidemment, ce sera un t-shirt en double XL, hein, tu me connais. Pareil pour moi, tu peux l'envoyer en double. On est dans la même catégorie, hein, qu'est-ce que tu veux dire? On est des humoristes, j'appelle ça généreux. C'est ça, confortable aussi. C'est exactement, exactement, moelleux et tout. Enfin bon. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'ai préparé hein, un petit peu. J'ai mon Oui? petit post-it devant moi. J'en ai choisi deux, sachant que bah tu te doutes qu'il doit y en avoir bien plus que ça. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire les plus parlantes et de ces deux petites galères qui me sont arrivées. Et certaines, il y a un petit temps quand même. Donc voilà, je ne sais Ouais. pas comment tu veux fonctionner. Je te raconte un peu le bazar en essayant d'être le plus précis possible. Je te laisse gérer, je te laisse gérer. Ça va. Bon, écoute, va faire une pause, va te faire un café, je m'occupe du reste, il n'y a pas de souci. Bon, alors la première qui m'a vraiment marqué, en fait, ça s'est déroulé il y a quoi? Il y a 5-6 ans. Donc c'était vraiment au pic de la carrière. Je replace un peu le contexte pour comprendre un peu mieux pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Donc je venais de faire ma tournée de quelques festivals au Québec, etc. Je venais de faire mon incroyable fiancé sur TF1, tu vois. Ça fonctionnait bien. Donc tu vois, le spectacle, il se vendait sans problème. Et là, j'ai un petit café-théâtre en Belgique qui me contacte. Il me dit, on aimerait vraiment beaucoup vous avoir, le spectacle et compagnie. Alors, c'est jamais de bon ton de parler d'argent. Donc voilà, mais en gros, ils disent, on peut pas vous payer, on peut pas faire ceci, cela, etc. Ah ouais, Bref, un côté d'accord. un petit peu larmoyant, mais super, moi ça m'intéresse à mort parce que je dis, ben voilà, c'est un petit lieu qui vient de se lancer, ils ont vraiment envie de faire quelque chose, et avec ma petite notoriété que j'avais, je me dis, si je peux les aider, bah, c'est chouette, et voilà, donc allez, on convient d'un truc et je vais jouer mon spectacle complet là-bas. Et donc je leur demande quand même un petit peu la technique et compagnie. Bah, c'est un petit café-théâtre, donc sans vouloir la régie de l'Olympia, bah, je dis juste, bah, ok, bon, on va Ah, revoir ça plus bas, minimum, quoi. quoi. Minimum, voilà. Et ça va, j'ai besoin d'un projet, c'est important pour la suite. Donc, mon spectacle de l'époque, c'était la drague pour les nuls, et pour les gros nuls, exactement. Et c'est une genre de conférence sur la séduction, les rapports hommes-femmes, etc. Et j'ai besoin d'un écran avec un projecteur. Voilà, c'est important pour la suite. Et donc, j'arrive dans ce petit lieu, tout sympa, etc. Allez, quoi, 40, 50 places, très chouette. Donc, très bien. Et je dis, ben voilà, je vais voir avec le régisseur. Je dis, vous avez reçu ma conduite, hein, parce que tu as une conduite technique, etc. Vous l'avez reçue. Oui, c'est le régisseur qui faut s'en occuper. Ah, ok, il est là, parce que du coup, je ne le vois pas, etc. Ah, oui, mais il est derrière le bar. Donc, le mec, il faisait aussi le service au bar et il faisait régie. En même temps, je dis, D'accord. bon, c'est normal, c'est un petit lieu, pas de souci. Et donc, je lui dis, je peux te parler 5 minutes. Et le gars s'en va. Mais il sort, quoi. Je fais, ah. Et puis, D'accord. t'as la dame qui m'a accueilli qui me dit, ah oui, mais c'est pas grave, il est un peu timide, c'est mon fils, il est un peu timide. Ah, ok. Et je dis, il Ah. a déjà fait de la régie, etc. Elle dit, non, non, non, mais enfin, si, il a déjà fait pour un spectacle il y a 15 jours, ça n'était pas trop mal. Et je Ah. dis, l'information, rien. Ouais, voilà. Vas-y. Le patron mal était inquiétant quand même. Mais là, tu commences, tu dis, ok. Bon, bah, c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. Et donc, du coup, le gars revient 10-15 minutes après. On se présente. On va pour l'histoire, on va l'appeler Jean-Luc pour l'instant, d'accord? Pour que personne se reconnaisse. Et pour l'anecdote, le petit café-théâtre n'existe plus, hein, pour d'autres choses. D'accord. Donc apparemment, ta revanche a été efficace, il est plus là. Mais pas ma revanche, je ne leur en veux pas du tout. Et je dis, voilà, ils ont essayé de lancer quelque chose, mais je pense qu'il n'y avait pas allez, je veux dire, les épaules assez larges. Ils ne se sont pas rendus compte, je pense, dans quoi ils se lançaient. Et puis la Belgique, c'est petit, mais là où ils étaient, c'était un petit peu loin. Donc, bah voilà. D'accord. Et c'est un lieu, je pense qu'il y a d'autres humoristes qui ont eu quelques anecdotes aussi à faire là-bas. Et donc, bon, allez, je vais essayer d'être assez rapide. Et donc, je dis, bah, il faudrait quand même qu'on discute un petit peu la technique, parce que comme il y avait une projection, il y avait un PowerPoint, en fait, qui devait être projeté, mais j'avais une télécom. Donc c'est moi qui gérais m'intéresse. Je voulais juste que, voilà, que le PowerPoint soit là. Et il y avait, genre, c'était la version minimaliste. Je dis, ben voilà, il y a trois moments. À un moment donné du spectacle, il y a trois moments où je vais juste devoir lancer la musique. Et je voulais faire un changement lumière en même temps. Et quand j'ai vu un petit peu, j'ai dit non, mais on va faire juste le changement musique. Laisse tomber la lumière, c'est pas grave. Et le gars, en fait, je te jure, il suait à grosses gouttes et il tremblait en notant sur les feuilles que je lui avais ramenées parce qu'évidemment, il avait pas lu le mail que j'avais envoyé. Et oh, il tremblait en même temps. Tu vois, il était en stress par rapport à ça. Et je dis ça va, t'es sûr que ça va aller? Ouais, ça va aller. Je te jure, il bégaye, je mens pas. Et je regarde ma compagne qui était avec moi et je lui dis, enfin, on se regarde, tu vois, il y a cette communication un petit peu dans la tête. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Uh-huh. Et donc, au fur et à mesure, tu vois, je dis ma technique, je regarde avec lui, je dis, oui, bon, là, il faudra un changement. Puis je le regarde, non, bon, on va pas faire de changement, laisse tomber, laisse comme ça, reste en plein feu. Puis là, ce serait bien d'avoir un. Tu le regardes, tu fais, bah non, finalement, non, on fait rien. Toi, tu sens que ça va être difficile et tu fais la version la plus minimaliste que tu peux en disant, ok, maintenant, il y a trois musiques. Et en plus, tu dis, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le dire au moment où tu lances la musique. Comme ça, tu t'inquiètes pas parce que logiquement, j'avais des top phrases, etc. Je dirais juste, Jean-Luc, ambiance. Lance la musique. Ouais. Jean-Luc, lance la musique. Tu vois, donc, c'est à toi que je parle, je te regarderai, je te dirai. Alors, normalement, ça devrait être compréhensible, ça devrait marcher, ça devrait normalement. Possible. Bon alors, tu te doutes bien que sinon, si ça t'était passé comme ça devait, je ne te raconterais pas cette anecdote. Et donc, et pour clôturer, ouais, déjà j'arrive sur la scène et c'est une petite scène, forcément c'est un petit café-thé, c'est un petit truc. Et je dis, ah, et l'écran, il n'est pas encore placé, etc. Et il dit, ah si, si, il est là, et on l'a placé, et en plus, c'est un truc télécommandé. Et tu fais, ah ouais, c'est bien. Mais je dis, ben, est-ce que tu peux le descendre? Comme ça, on va déjà tester, voir le PowerPoint si tout fonctionne. Et là, il le descend. Et en fait, l'écran qu'ils ont mis prend exactement toute la scène. Et donc, je ne sais pas jouer devant. Parce que tu n'as pas la place, je ne sais pas forcément jouer derrière parce que sinon on ne verra pas. Évidemment. Et en fait, je me suis retrouvé à avoir 50 cm carrés à gauche et à droite. Hein, oh là là. Jardin. Et donc pendant tout mon spectacle, parce que ben, on s'est déjà vu, etc. Donc tu sais que c'est un petit peu actif. Et je me retrouve à devoir jouer dans mon petit 50 cm carrés. Là, on ne me voit pas parce qu'il n'y a pas de caméra, mais je suis en train de mimer la situation. Et donc, comme ça, et faire mon truc. Voilà, et puis dire, bon, ben, il faudrait peut-être que je change un peu de côté. Et donc, à vite passer devant l'image, parce que ben, forcément, tu as une grosse ombre qui passe devant le bazar. Et de passer 50 cm de côté. Donc, tu as un peu la situation. Et pareil, tu t'adaptes. Tu dis, voilà. Tu réfléchis en disant, mais non, je ne peux pas faire sans le PowerPoint parce qu'il y a plein de gars qui. Enfin, tout le truc est conçu. Je tournais déjà depuis quelques années avec ce spectacle. Et bah, voilà, il fonctionnait comme ça et j'allais pas tout changer du jour au lendemain. Ah bah oui, oui. Bref. Là, j'estime que tu avais déjà fait quand même pas mal de concessions. Ah oui, oui, oui. Mais c'est pas fini, évidemment. Et donc, je joue. Bon, la salle, là, on peut pas le reprocher. La salle est remplie comme elle peut l'être, etc. Je dis, ouais, je pense, quarantaine de personnes. Très bien, voilà. Et tu commences le spectacle. Et puis, à un moment donné, tu es sur ton PowerPoint. Hein, donc, tu es en train de présenter le bazar. Et puis, à un moment donné, tu as. J'entends un grand. Oula! Un silence. Et moi, je continue à parler parce que je suis sur mon petit coin, etc. Et puis, je change de côté, hein, rappelle-toi, parce que je dois changer de côté régulièrement. Et là, je me rends compte qu'il n'y a plus rien sur l'écran. Parce que je m'en rendais pas. Et donc, je passe de l'autre côté. Et j'entends et le garçon et son père qui était revenu entre-temps, machin, etc., qui commence à l'engueuler. Et en fait, le mec avait réussi, ça j'ai appris après, évidemment, à choper ses pieds dans le câble du rétroprojecteur qui s'est retrouvé à terre. Et donc, moi, je retrouve. Mais j'entends que ça continue à parler, mais tu sais, ça fait semblant de parler pas fort, mais ça parle fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai marché sur le truc. Et machin, et toi, t'essayes de faire tes blagues. Et donc, le chapitre suivant. Oui, il faut connecter ça. Alors, ils essayent des trucs, la lumière de la salle qui se rallume, puis qui se réteint, qui fait. Et toi, t'essayes de continuer, tu vois. Après, tu te dis, bon, je vais faire une petite pause, ça va, tout va bien. Alors, j'ai toujours des petites blagues faites hein, avec ça, hein, disons. Bien sûr, ouais, ouais. Voilà, mais surtout, les spectateurs dans la salle, ils devaient se demander si c'était calculé, si c'était, tu vois. Oui, oui, parce c'est ça. Pas compte. Ben, quand il y a des couacs, en fait, dans le spectacle, souvent, les spectateurs se disent « Ah, ben, c'est juste un effet, quoi. C'est juste… c'est voulu, quoi. » Alors que pas du tout. Là, soit c'était le meilleur comédien du monde, et je le conseille à beaucoup de mes metteurs en scène, ou clairement, on ne pouvait pas se dire « C'est fait exprès. » À un moment donné, peut-être au début… Parce qu'au début, tu le fais, on continue à l'appeler Jean-Luc. Je dis, hey, Jean-Luc, dis donc, ça va bien, on a abusé de la bière spéciale. Bah, tu sais, tu fais des blagues, T'essayes de te rattraper, ça rigole un peu, voilà, t'improvises un peu un bazar, puis tu sais, t'as toujours des petites blagues dans le coin. Ouais, bah. Et on applaudit Jean-Luc pour son premier et dernier jour à la régie Oui, de mon voilà. spectacle, tu vois, les classiques. Classique, Ça classique. rigole un peu, mais pas, voilà, parce que ça prend des plombes. Et moi, le problème, c'est que dans ma tête, je fais OK. Et c'est là que, du coup, pour l'anecdote, que pour mon spectacle d'après, où j'avais aussi quelques projections, etc., je n'ai pas basé des gags uniquement sur les projections à un moment donné, tu vois, la suite du spectacle. Parce qu'en fait, si le PowerPoint ne reprenait pas, j'avais très peu de moyens de raccrocher à mon spectacle, tu vois? D'accord. Parce que le chapitre suivant arrivait, etc., et le gag arrivait. Et donc, dans ma tête, c'était OK, comment je peux transformer ça sans que ça apparaisse à l'écran, Oui, voilà. sans que, tu vois, et voilà, j'étais fort dépendant de la technique. Mais donc, Erreur. je veux dire, ça t'a permis de cette anecdote, t'a permis d'évoluer du coup dans ton style et d'avoir vraiment un spectacle indépendant, enfin pas indépendant, mais pas totalement dépendant de la technique. Donc, quelque part, est-ce que t'as pas envie de dire merci Jean-Luc? J'ai envie de dire merci Jean-Luc, sauf pour le moment où, parce que je n'ai pas terminé. Je te jure, j'ai mes notes devant, je termine. Tu couperas s'il faut, hein, c'est trop long, il n'y a pas Non, de non, non, souci. t'inquiète pas. J'ai envie Hey, de l'expliquer parce que le brave Jean-Luc, donc ça se remet. vas-y, Toi, tu régale-nous. continues, Hein, dans t'improvises. Galère d'humoriste, on prend tout. Ah ben, c'est une grosse galère, forcément. Enfin, bref. Et tu te dis, bon, on continue, mais j'ai ma tête aussi qui change parce que je me dis, on va arriver au moment où on doit faire les changements son. Tu vois, Ouais. il y a trois sons. Enfin, je veux dire, il y avait une musique d'entrée, une musique de sortie, et il y avait trois sons dans le spectacle, trois musiques dans cette version hyper simplifiée, hyper light, tu vois. Ouais. Et il faut juste les mettre dans l'ordre. Ils sont numérotés dans l'ordre, ils sont nommés dans l'ordre, etc. C'est son 1, son 2, son 3. Je pense que c'est 1, 2, 3 qui est noté. Enfin, il n'y a pas moyen de se tromper. Mais toi, dans ta tête, tu dis, à mon avis, ça ne va pas bien se passer. Tu sais que tu arrives au moment de ce spectacle, les gens ne le savent pas, mais toi, tu penses à ça aussi pendant que tu es en train de faire ton spectacle et dire, attention, je vais arriver au moment de. Et Ah. arrive le fameux moment où je dis, Jean-Luc, musique. Et rien. Et là, rien. Hey, Jean-Luc, ça va mieux? On espère qu'il n'est pas à l'hôpital, Jean-Luc. Hein. Regarde bien. Allez, Jean-Luc, on arrête de rire maintenant. Ambiance. Et rien. Oh là là là là là là. Et ce qui est pire que rien, c'est que au moment où tu dis, OK, tant pis, je vais enchaîner, je vais faire mon gag sans la musique, Ouais, au il milieu de balance ta la musique. phrase, il y a la musique. Oh Ça, c'est là là. le... Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'en plus, c'est pas la bonne musique. C'est la Ah bah troisième oui. musique. Et là, tu pètes un câble. Enfin, tu dis rien. Hein. Tu étais sur scène, tu fais encore des blagues sur notre ami Jean-Luc. Et dans la tête, tu fais, toi, je vais te tuer. Je vais assassiner ta famille et ton chien. Et je vais. Tu fais tes trucs. Et bref, et donc la deuxième fois, c'est pas le bon son. La troisième fois, alors que tu dis, ben là, maintenant, attention, tu sais, le son que tu as lancé en premier, c'est celui-là que je veux en troisième. Tu vois, tu veux des blagues ça. Et Oui, il réussit celui-là, à passer. je sais que tu l'as en catalogue, quoi. Et il a quand même réussi à Et le il rater. a réussi à côté. Écoute, hein, voilà. Et donc, pour clôturer, donc voilà, ça se termine. J'applaudis et je termine avec Oh. les remerciements, etc. Et je dis, et on remercie quand même Jean-Luc, hein, machin, etc. Ça a Alors, pas mal. juste une question, je Vas-y. pense que les auditeurs se la posent aussi. Où est-ce que tu l'as enterré? Alors, selon la police, il est toujours en cavale, mais Mais toi, j'ai un tu grand sais. jardin. Voilà, Et mais donc. toi, tu sais que t'as coulé une dalle de béton quelque temps plus tard. Tout à fait, mais j'ai pas eu besoin, je pense, parce que je te jure que j'étais en stress et j'espère que cette personne est toujours en vie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du spectacle, c'est passé, machin, on rigole avec les gens. Et c'est un très bon spectacle parce qu'en fait, après, il y a toute une séance d'impro, de questions-réponses avec les gens, etc. Et ça prend super bien. Et c'est vraiment, je passe, allez, une bonne soirée. Je dis, bon, bah ouais, c'est pas grave. Les gens vont pas retenir ça. Ils vont retenir la fin. Ils vont retenir, etc. Et je dis, bah, je vais quand même payer un coup, hein, à Jean-Luc et rigoler un peu. Et puis, dire, bah tiens, si c'est lui qui va faire la régie pour d'autres spectacles qui vont venir dans ce petit lieu-là. Il faut quand même, tu vois, lui dire, écoute, il faudrait un petit peu plus être consciencieux pour certaines choses, etc. Et donc, je vais voir ses parents qui sont au bar, donc, et je dis, mais Jean-Luc, est-ce que je... Allez, il est où, Jean-Luc? Je lui paye un coup, je lui paye une bière, machin, etc. Sinon, là, il n'est pas bien, il est retourné dans sa maison, il a pris des médicaments parce que c'était un stressé vraiment, vraiment Oh un gars, zut. c'était maladif, quoi. Tu vois, Ah. du coup on a entre guillemets rigolé avec ma compagne sur le retour en disant, mais ça tombe, il est peut-être plus là. Jean-Luc, peut-être que tu... Oh là là. Ah ouais, J'ai non eu confirmation, parce que moi je là. suis un gars qui aime bien, qui est toujours en vie, parce que il faut savoir que un an ou deux plus tard, quand le lieu existait encore toujours, donc là il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais pas que c'était celui-là et j'avais accepté une scène ouverte dans la région et en fait c'était Ah. celui-là. Je l'ai appris que le jour même quand on m'a envoyé l'adresse, j'ai fait, ah mais c'est celui-là. Et donc je suis retourné dans ce lieu Et Jean-Luc était et toujours c'était là. Jean-Luc qui faisait la régie. J'ai dit, alors, est-ce qu'il a fait une meilleure régie? Tout le monde se demande, je me pose la question et je pense que tous les auditeurs aussi. Eh ben, le problème, c'est qu'il n'a pas su faire de régie parce que je t'explique, pour ce que ce lieu, c'est pour ça, je pense qu'il a fermé, c'est qu'en fait, on avait eu une personne dans le en tant que spectateur, c'est-à-dire que la personne qui organisait ça avait mal géré le lieu aussi, etc. Et elle avait dit, ah, mais on n'a pas fait de publicité pour le spectacle, etc. Et toi, tu t'étais tapé 2 heures de route pour aller jouer dans celui-là, et donc on a pas joué, quoi. Donc voilà. C'était donc voilà, mais j'ai beaucoup d'amour pour c'est dommage pour ce lieu, vraiment. Je rigole avec ça. Peut-être que sur le moment j'ai vraiment eu envie de tuer cette personne, mais après c'est passé. Et voilà, et ça c'est une de mes plus grosses galères. Alors j'en ai une deuxième du coup, oui. Hein, assez rapide. Enfin voilà. Donc il faut savoir que je joue une scène avec, je ne citerai pas les noms donc du coup, mais avec deux personnes qui gagnent bien leur vie avec ça pour le moment en Belgique, donc bien connues. Bref, on fait une scène ouverte avec eux et d'autres personnes. Ça se passe super bien, c'est sur Bruxelles, hein. Ça se passe super bien. Et un des organisateurs vient nous voir après, donc ces deux artistes-là et moi-même. Il y en avait d'autres, hein, mais il vient nous voir parce que je veux dire qu'on avait bien fonctionné la soirée et on correspondait un petit peu à ce qu'il avait en tête. On va faire, ah, écoutez, j'adore ce que vous faites, blablabla. Dans 3 semaines, ici, dans ce lieu, j'ai un événement samedi soir. C'était une équipe de foot, pas de foot, de hockey, l'équipe nationale belge de hockey, ça je peux le dire. Ouais. On doit faire un spectacle. Enfin, j'ai promis des surprises, etc. Je pense que 3 humoristes, vous refaites votre sketch, chacun les 7-8 minutes. Ils vont adorer, machin. Et bien payé, tout, accueil et compagnie. D'accord. Bon, bah oui, bien sûr, on refuse pas ce genre d'invitation. Mmh. On fait ce spectacle-là, le soir, tac, tac, tac, gros carton, super accueil, génial. L'organisateur vient nous voir, c'est super, enfin voilà, bref, tout va bien. J'imagine que Jean-Luc n'était pas à la régie. Jean-Luc n'était pas à la régie. Donc c'était le métier. Ça reste un métier. Hein. Et donc bref, ça se passe super bien. Ça c'est pour la première partie. Tu doutes bien que c'est pas ça ma galère, sinon voilà. Et l'organisateur vient nous voir toujours tout emballé. Oh super, etc. Écoutez, c'est pas prévu, mais demain j'ai un autre événement ici au même lieu. C'est pas prévu, mais je pense que ça va bien leur plaire, les thématiques, etc. Ils me regardent bien en me disant, et toi, je pense que ça va vraiment bien fonctionner parce que les gens qui sont là, c'est en lien avec la thématique que tu fais. Donc, c'était un extrait de la drague pour les nuls. Hein. Ok, très bien. C'est pas prévu, mais ils vont adorer, machin. Même condition, demain. On se regarde pareil, on se dit c'est bien payé, c'est bien, on s'est bien amusé, on est super bien accueilli. Enfin, il n'y a pas de raison. Voilà, exactement, il n'y a pas de raison de refuser. Et tu te doutes bien que c'est important de savoir que ces deux personnes qui vraiment vivent de ça en Belgique, qui fonctionnent très bien, qui voient la télé, tout ça. Et on arrive, et là, on se rend compte que l'ambiance, c'est pas la même, quoi. Et l'ambiance, si tu veux, en fait, c'était un genre de réunion de deux clubs de rencontres de la région de Bruxelles, mais du troisième âge. Okay. Ah, c'est déjà que des vieux. Alors, je n'ai rien contre les personnes âgées, hein, elles font partie de mon public, mais là, c'est en plus, tu mets des personnes âgées, c'est de la région Bruxelles, je ne sais pas si tu vois, Watermal-Boisfort, Waterloo, etc. Un petit peu chic, bon genre, tu vois. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, peu prout-prout, tout ce que tu veux, et ils sont là, et ils sont beaucoup moins nombreux que la veille déjà. Ils sont chacun par deux, parce que c'est un club de rencontres, et ils sont chacun par deux aux tables. Et nous, on voit l'organisateur, etc. On dit, vous êtes sûr qu'ils sont prévenus, que je ne les ai pas prévenus, ça va faire la surprise. Que vous... Et là, déjà, tu sens, est-ce que c'est la bonne idée d'interrompre ces personnes un petit peu âgées dans leur discussion. Et de fait, il aurait fallu l'annoncer, quoi. Et bien sûr. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il débarque avec son micro, machin et tout. En plus, c'est l'organisateur. Donc, il est très chouette organisateur, mais ce n'est pas un présentateur. Mais il n'allait pas engager quelqu'un en plus. Donc, c'est lui qui fait un peu la présentation. Et tu sens que c'est pas pareil. C'est comme régisseur, c'est un boulot. Hein, c'est la ça. Présentation. Et ouais, voilà, maintenant, vous y attendez pas. Et on a des artistes, des humoristes qui vont vous faire rire. Enfin, tu vois, tous les trucs qu'on ne peut pas faire, qu'on dit. Et ça va bien rigoler. Ça va être génial. Vous allez voir, ce sont les meilleurs. Et voilà. Et tu as vraiment genre les personnes qui commencent à se retourner, à regarder la scène, et toi tu es en coulisses, tu regardes, heureusement que je passe troisième. Et le premier humoriste, Jean-Luc, on va tous les appeler Jean-Luc ce soir. Oui, oui. Non, moi je suis troisième. Ah, moi, non, je suis troisième. D'accord. Parce que l'avantage qu'on avait eu, c'est qu'on avait dit demain, alors on inverse, comme j'avais commencé premier samedi, tu vois, on inverse. Et on accueille Jean-Luc. Et Jean-Luc arrive, et je te jure. Tu sais qu'à cause de toi, je verrai plus jamais les Jean-Luc comme avant. Mais c'est parce que je réfléchis, je pense que dans mon entourage proche, je n'ai pas de Jean-Luc, donc je peux me permettre d'utiliser ça. D'accord, d'accord. Et pour les femmes, c'est Brigitte, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, tu as Jean-Luc et tu as en face de lui que des Jean-Luc et des Brigitte qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe et qui à peine regardent ce qui se passe sur scène, tu vois. Et ouais. Genre. Bon, tu sais, malheureux quand même, cette jeunesse qui est obligée de faire ça. Hein tu vois, oh. On sent qu'il y a Du jugement. Rien, et pas un rire. Et surtout, et ça c'est dur, pas un applaudissement. Donc, t'as le réalisateur qui vient. Et c'était Jean-Luc dans l'extrait de son spectacle que vous pouvez revoir, machin. Ah, parce que d'habitude, même quand on bide, même les bides les plus violents, quand le mec dit bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, au moins il y a quelques applaudissements, même timides, tu vois. Et donc là, c'est. Rien. Même pas parce que ça les faisait chier, en fait. Et ils faisaient comprendre. Donc, le premier passage, c'est silence. Deuxième passage, ils prennent même plus la peine de se taire. Donc, ils commencent à discuter, etc. Pour que la deuxième personne passe, etc. Et là, rien. Un applause, je pense, à la fin. Un clap pour dire de voilà, c'est fini. Et donc, moi, j'arrive en troisième. Et cet avantage de passer en troisième, c'est que tu te dis, bah, écoute, eux, ils ont bidé. Ils sont, voilà, toi, on s'en fout. Tu sais bien que ça ne va pas mieux se passer. Tu sais pas, d'un coup, ils vont pas se réveiller et se lever et applaudir. Enfin, ouais, oui, voilà. Donc, là tu étais parti en détente. Tu t'es dit, de toute façon, ça va bider. Allez, Et tu y vas. Pilote automatique, quoi. Voilà. Et du coup, comme j'étais beaucoup moins stressé, ça a un peu mieux. Je me la pète un peu. Hein. Je pense que j'ai eu deux rires. Donc, du coup, ça valait le coup de le faire. Je pense deux sur cette soirée-là, c'était un carton. C'était énorme. Hein. Et j'ai eu trois applauses, je pense. Mais un énorme moment de solitude. Mais à un moment donné, du coup, pour revenir à ce que tu disais sur la première anecdote, j'ai beaucoup appris de cette anecdote-là aussi parce que, du coup, je me suis plus mis la pression en disant parfois, on est d'accord que ce n'est jamais la faute du public, c'est toujours l'artiste qui doit s'adapter au public. Mais quand tu as un public qui n'est pas réceptif, pas parce que toi tu ne l'es pas, mais parce qu'il n'est pas prévenu que tu arrives, bah, tu te mets en roue libre et tu te dis, bah, j'en ai un peu rien à foutre parce que de toute façon, ce n'est pas des gars qui vont venir voir mon spectacle, ce n'est pas des gens qui vont me juger, ils ne sont pas là pour ça, etc. Et donc, du coup, tu improvises, du coup, tu pars sur quelque chose. Voilà, tu fais comme si tu étais en train de répéter, quoi. Exactement. Et du coup, bah, tu bides un peu moins parce que tu es beaucoup plus tendu. Forcément, quand tu as ton spectacle, tu veux jouer ton truc parce que tu sais que c'est ta partition et qu'elle fonctionne et que là où ça doit rire ou où ça doit fonctionner, bah, ça ne fonctionne pas. Tu dis, bah, on s'en fout. Et puis voilà. Et donc, du coup voilà. Et énorme. Et alors, ce qui se passe, et le dernier truc, c'est que l'organisateur revenait nous voir entre chaque passage. Qu'on est passé, voilà, et ils venaient nous voir, mais c'est qui ces vieux cons, ils savent pas ce que c'est de l'humour, je suis désolé, vraiment, etc. Elle dit, oui, vous savez quoi, bon, ça va, déjà, voilà, il vous a pas engueulé, vous, quoi. Non, pas du tout, il était en colère contre le public, mais je vais leur dire, mais c'est genre de... mais je vais leur dire à ces vieux cons qui savent pas ce que c'est, etc. Et dit, non, ça va aller, n'allez pas en plus nous les fâcher, la meilleure chose qui peut se passer, c'est qu'ils s'endorment, comme ça, c'est bon. Donc voilà, mais je n'ai rien contre les personnes âgées. Hein. J'ai joué dans des hauts, dans mes meilleures dates. Hein. Disons que c'était un public qui n'était pas prévenu, tout ça, et qui n'était pas venu pour ça à la base. Eux, ils étaient plus en mode, on veut faire des rencontres et tout. Voilà, donc vous les avez un peu stoppés dans leur projet, quoi. Ben, pour moi, c'est une erreur. C'est pas une erreur d'humoriste, c'est une erreur d'organisateur. Maintenant, parfois, les humoristes aussi, on devrait pouvoir être capable de dire, et plus tard, je l'ai fait pour d'autres dates, je dis pas 20 000, hein, pour deux dates, où tu dis, écoutez, c'est pas grave, mais moi, je peux pas jouer, les conditions, elles sont pas réunies pour. Tu sais, quand tu commences, tu oses pas dire ça, mais quand tu commences à avoir un petit peu plus de notoriété, ou en tout cas, plus d'expérience, c'est pas forcément la notoriété, c'est l'expérience, dire, écoutez, voilà, je sais qu'on va jouer, mais là, j'ai pas un truc qui fonctionne. Moi, j'ai eu des gens qui étaient placés à 20 mètres de moi, je dis, écoutez, c'est pas possible. Pas m'entendre, il faut rapprocher les chefs, ce genre de choses. Et si tu as face de toi des gens qui ne veulent rien faire et qui prétendent mieux connaître le taf que toi, etc., bah, à un moment donné, il faut avoir un peu d'ego et de dire, bah, écoutez, pas de souci. Moi, je te dis, ça m'est arrivé deux fois. Une fois où la personne a tout changé, à dire, ah oui, désolé, oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas, machin, pas de souci. Et une autre qui te soutenait mordicus que c'était comme ça qu'il fallait voir les choses et pas autrement, que c'est moi qui ne connaissais rien alors que je tournais avec ce spectacle depuis des années et dans le spectacle depuis quasi 20 ans. Et j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, gardez votre argent, etc. Mais moi, je ne jouerai pas. Oui, tu as de publicité, pas de souci. Et tu sais très bien que ce gars-là, tu n'as jamais entendu parler, il n'a plus de lieu, il n'a plus rien, je ne vois même plus où il est. Il doit être dans un jardin avec Jean-Luc et voilà, quoi. Mais non, mais voilà, c'est ça. C'est la vie. Non, mais c'est très pro après de réagir comme tu l'as fait. Déjà, rien que sur la première anecdote, voilà, je veux dire, tu as été déjà très pro d'aller vers eux malgré le fait qu'il n'ait pas de budget, tout ça. Tu as voulu les aider, tu as été même bienveillant envers Jean-Luc à la fin quand tu as voulu lui payer un verre, tout ça. C'est le côté pro et on le sent chez toi. Et malheureusement, on est obligé de vivre avec nos galères et d'apprendre des choses. Et comme tu l'as dit toi-même, voilà, tu as appris des choses de ces deux galères. Bah, c'est quelque chose de positif au final, même si sur le moment c'est dur. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Je me dis des fois, on a envie de mourir quand il arrive des trucs sur scène comme ça. Et derrière, on a envie d'en rire, quoi, tu vois. Donc, c'est ça, quoi. C'est le fameux tragedy plus time égale comedy, tu vois. C'est ça, hein, c'est... J'adore ton accent, je tenais à te le dire. Mais écoute, voilà, hein, c'est l'accent marocain, marocain-américain, tu vois, c'est, voilà, comme dirait Gad, l'accent amarocain, tu vois, amarocain. Ah non, mais franchement, c'est un truc, quand il t'arrive un truc tragique, que ce soit sur scène ou dans ta vie, avec le temps, après, t'as envie d'en rigoler. Et merci en tout cas de nous avoir fait rigoler avec ce qui t'est arrivé à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? J'ai mon site, donc benoîtdelaby.com. Voilà, où il y a toutes les infos. Il y a moi, mais aussi de ma boîte de prod et d'autres spectacles. Il y a aussi du théâtre, ce genre de choses, quand je fais de la mise en scène. Tout. Enfin bref, tout ce que je fais de près ou de loin se retrouve sur ce site-là. Pareil sur Facebook, Benoît Delaby. N'hésitez pas. Je mets sur Facebook de temps en temps. J'essaye vraiment, le truc qui est le plus à jour, c'est vraiment le site parce que. Bah, je te dis, voilà, ah, tiens, je vais mettre en scène une pièce de théâtre, je partage, je mets le lien, etc., je partage des choses. Ah tiens, j'ai tourné une émission, je mets l'extrait. C'est le truc pour moi, voilà, et je sais que c'est le truc où les gens vont le moins, les sites internet. Et j'essaie de tout regrouper sur mon site aussi, tu sais, parce que le Mons Comedy Club, etc., tout ce que j'organise, y a chaque fois un lien. Donc, tu as la page monscomedyclub.be, tu cliques dessus, ça ramène à la page Benoît Delaby avec l'onglet qui explique ce que c'est le Mons Comedy Club, pourquoi je fais ça, etc. Donc, en fait, j'essaie de tout rassembler sur une seule chose parce qu'à un certain moment, tu t'éparpilles. Surtout pour des gars comme moi qui font plein de trucs dans l'artistique. Mm-hmm. Bien sûr. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Et je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, même à toi là-bas.